La radio des Mégaïdes vous présente le Méga Plein Air Show. Revoici Yves Laroche. On est de retour à notre émission spéciale à l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. On vous avait promis une petite surprise. On est en compagnie d'Alicia, qui est une jeune fille qui en est à sa deuxième année à l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Salut Alicia, comment ça va? Bien, vous? Ben oui, ça va très très bien. Écoute, on a pêché ensemble un petit peu aujourd'hui. Ouais. Toi, t'es ici en compagnie de ta sœur? Ouais. Est-ce qu'elle aussi, c'est la deuxième année? Oui, elle était avec moi aussi l'année passée. Ah, ouais. Explique-moi donc, c'est comment c'est arrivé pour que tu décides... Ben, premièrement, je te félicite, hein, jeune fille, là, de t'intéresser à la pêche, mais comment c'est arrivé là, de décider de t'inscrire avec ta sœur à cette académie-là? C'est qu'on fait, de la pêche depuis comme qu'on est tout petit, puis on aime vraiment, vraiment ça. Fait qu'on a voulu aller plus loin, c'est aller explorer d'autres endroits. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est le fun ici parce qu'il y a des bons animateurs, puis ils s'occupent bien de nous. Puis on est venu ici aussi pour découvrir des nouvelles espèces de poissons. OK. Puis des nouvelles techniques. Bon. Toi, tu es né à... À Saint-Eustache. OK. Puis tu demeures dans le secteur du lac des Deux-Montagnes. Oui, c'est ça. Donc, tu avais déjà pêché un petit peu. Oui. Est-ce que tes parents ou ton père, ta mère, t'avaient initié? Mon père. Ton père, oui. Ouais. Puis quel poisson t'avais capturé avant de faire ta première académie? J'ai pêché beaucoup d'espèces. J'ai pêché de la truite, du brochet, des achigans, du doré, puis c'est pas mal ça, là, je pense. Ouais. L'année passée, ta première année à l'académie, c'était quoi ton meilleur moment? Ma première carpe. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai vu qu'aujourd'hui, que t'aimais ça pas mal, ce type de pêche-là. Ouais. Puis t'aimes ça faire des farces aussi, un petit peu? Ouais, avec ma sœur. Ouais, parce qu'elle, elle a eu tout un combat. Ouais. Mais on n'ira pas plus loin sur l'histoire, parce que comme on dit, qu'est-ce qui se passe à l'académie reste à l'académie. Ouais. Cette année, c'est quoi ton but? De m'améliorer, puis de découvrir d'autres espèces. OK. Quelle espèce que tu voudrais capturer là, d'ici la fin de l'académie? Masquinongé. Ah, ouais. Dis-moi, t'as-tu déjà pêché à la mouche? Oui, mais c'est comme... Je suis pas vraiment experte, mais j'ai jamais vraiment attrapé un poisson. Mais j'ai déjà essayé. Vous allez apprendre à pêcher à mouche aussi, là. Ouais. Ben, ils m'ont dit qu'ils étaient pas sûrs si on va avoir le temps, mais on serait supposé, là. Ouais, wow. Tu vas voir, tu vas aimer ça. J'ai remarqué que les jeunes filles et les femmes là, sont très bonnes. Premièrement, là, ils comprennent très vite c'est quoi le mouvement, parce qu'ils sont plus méticuleuses que nous autres, les gars. Là. Tu sais, des fois, on fait pas trop attention. Tu sais comment c'est? Ouais. En tout cas, moi, est-ce que tu crois revenir pour une troisième année? Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu vas être monitrice un jour? Peut-être, là, je sais pas. Je sais pas, hein? Ouais, c'est trop loin encore. C'est encore trop loin, ouais. Ouais. Ouais. Mais écoute, moi, je te félicite, premièrement, d'adorer la pêche, ta sœur aussi. Je félicite surtout tes parents qui vous ont initié, surtout des gens de la région de Montréal. C'est exceptionnel, là. C'est pas facile, à la pêche, dans la région. Ouais. Et puis, je te souhaite la meilleure des chances. Tiens, un gros masquinongé de 50 livres. Serais-tu le fun, ça? Ouais, ça serait cool. Ben, merci beaucoup, à une prochaine. Merci. Alors, ceci complète l'entrevue avec Alicia. Et puis, on va conclure notre couverture, justement, de l'Académie de pêche en direct à votre Omega Plein Air Show en compagnie de quelqu'un qui s'appelle Salade. En tout cas, on va voir c'est qui, ça, cet énergumène-là, justement, dans quelques secondes, à votre Omega Plein Air Show.